Page 241. Exercice 4. 1. Vu tout ce qui se passe en ce moment dans l'entreprise, ce n'est pas le moment de proposer d'organiser un dîner pour toute l'équipe. 2. Au 19e siècle, dans cette école très dure et très stricte, les élèves avaient peur de tout, et les plus sensibles étaient particulièrement anxieux. 3. Oh, tu aurais vu ce cocktail. Personne ne se parlait, tout le monde se regardait en silence. C'était très pénible. 4. Il y avait une certaine tension pendant ce repas familial, mais fort heureusement, Roland est arrivé et sa jovialité a transformé l'atmosphère. 5. Dans ce restaurant au décor des années folles, on entendait de la musique de cabaret.